Section 26 de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Premier discours, première partie. Suite. Sous le règne de Trajan, l'Empire s'éleva à son plus haut point de prospérité et de puissance. Cet admirable prince n'eut que la faiblesse des grands cœurs. Il aima trop la gloire. Vainqueur de Décébal, il réduisit la Dacie en province. Cette conquête, qui fut un sujet de triomphe, devait être un sujet de deuil, car elle détruisit le dernier peuple qui séparait les Goths des Romains. Trajan porta la guerre en Orient, donna un roi aux Parthes, prit Suse et Ctésiphon, soumit l'Arménie, la Mésopotamie et la Syrie, descendit au golfe Persique, vit la mer des Indes, se saisit d'un port sur les côtes de l'Arabie. Après tout cela, il mourut, et son successeur, soit sagesse, soit jalousie, abandonna ses conquêtes. Il faut placer à la dernière année du premier siècle de l'ère chrétienne la mort de saint Jean à Éphèse. Il ne se nommait plus lui-même dans ses dernières lettres que le vieillard ou le prêtre, du mot grec presbytéros. « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Telles étaient ses seules instructions. Il avait assisté à la Passion 70 ans auparavant. Saint Jude, saint Barnabé, saint Ignace, saint Polycarpe se faisaient connaître par leur doctrine. Les successions des évêques étaient toujours plus abondantes et plus connues. Ignace et Héron à Antioche, Cerdon et Primin à Alexandrie. Après le pape Évariste, vinrent Alexandre, Sixte et Télesphore, martyrs. Les chrétiens souffrirent sous Trajan, non précisément comme chrétiens, mais comme faisant partie des sociétés secrètes. Une lettre de Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, fixe l'époque où les chrétiens commencent à paraître dans l'histoire générale. On a proposé un libelle sans nom d'auteur, contenant les noms de plusieurs qui nient d'être chrétiens ou de l'avoir été. Quand j'ai vu qu'ils invoquaient les dieux avec moi et offraient de l'encens et du vin à votre image, que j'avais exprès fait apporter avec les statues des dieux, et de plus qu'ils maudissaient le Christ, j'ai cru devoir les renvoyer, car on dit qu'il est impossible de contraindre à rien de tout cela ceux qui sont véritablement chrétiens. Voici à quoi ils disaient que se réduisait leur faute ou leur erreur. Qu'ils avaient accoutumé de s'assembler un jour avant le soleil levé et de dire ensemble à deux cœurs un cantique en l'honneur du Christ comme d'un dieu. Qu'ils s'obligeaient par serment non à un crime, mais à ne commettre ni larcin, ni vol, ni adultère, ne point manquer à leurs paroles, et ne point daigner un dépôt, qu'ensuite ils se retiraient, puis se rassemblaient pour prendre un repas, mais ordinaire et innocent. Encore avaient-ils cessé de le faire depuis mon ordonnance, par laquelle, suivant vos ordres, j'avais défendu les assemblées. La chose m'a paru digne de consultation, principalement à cause du nombre des accusés, car on met en péril plusieurs personnes de tout âge, de tout sexe et de toute condition. Cette superstition a infecté non seulement les villes, mais les bourgades et la campagne. Il semble que l'on peut l'arrêter et la guérir. Du moins, il est constant que l'on a recommencé à fréquenter les temples, presque abandonnés, à célébrer les sacrifices solennels après une grande interruption, et que l'on vend partout des victimes au lieu que peu de gens en achetaient. D'où on peut aisément juger la grande quantité de ceux qui se corrigent si on donne lieu au repentir. L'univers chrétien a depuis longtemps démenti les espérances de Pline. Mais quels rapides et étonnants progrès! Les temples abandonnés, on ne trouve déjà plus à vendre les victimes, et l'évangéliste saint Jean venait à peine de mourir. Trajan, dans sa réponse au gouverneur, dit qu'on ne doit pas chercher les chrétiens, mais que s'ils sont dénoncés et convaincus, il les faut punir. Quant aux libelles sans nom d'auteur, ils ne peuvent fournir matière à accusation. Les poursuivre serait d'un très mauvais exemple et indigne du siècle de Trajan. L'histoire offre peu de documents plus mémorables que cette correspondance d'un des derniers écrivains classiques de Rome et d'un des plus grands princes qui ait honoré l'Empire, touchant l'état des premiers chrétiens. Adrien maintint la paix en l'achetant des barbares, peut-être parce que son prédécesseur avait trouvé plus honorable et plus sûr d'employer le même argent à leur faire la guerre. Naturellement envieux des succès, il ne pardonna pas plus à Apollodore l'architecte qu'à Trajan l'empereur. Voyageur couronné, grand administrateur, ami des arts dont il renouvela le génie, il visita les lieux célèbres de son empire, l'histoire a remarqué qu'il évita de passer à Italica, son obscure patrie, il persécuta ses amis, quitta le monde en plaisantant sur son âme, et laissant aux Romains, dignes du présent, un dieu de plus, Antinous. Ce prince avait fait une divinité et pensa lui-même être rejeté de l'Olympe. Ce fut avec peine qu'Antonia obtint pour lui cette apothéose par qui les maîtres du monde prolongeaient l'illusion de leur puissance. Les hérésies se multipliaient. Saturnin, Basilide, Carpocras, les gnostiques avaient paru. La calomnie croissait contre les chrétiens. Ils occupaient fortement le gouvernement et l'opinion publique. Le peuple les accusait de sacrifier un enfant, d'en boire le sang, d'en manger la chair, de faire dans leurs assemblées secrètes éteindre les flambeaux par des chiens et s'unir dans l'ombre, au hasard, comme des bêtes. Les philosophes, de leur côté, attaquaient le judaïsme et le christianisme, regardant le premier comme la source du second. Alors les fidèles commencèrent à écrire et à se défendre. Cadra, évêque d'Athènes, présenta son apologie à Adrien, et Aristide, autre athénien, publia une autre apologie. Adrien fit suspendre la persécution. Eusèbe nous a conservé la lettre qu'il écrivit à Minucius Fondatus, proconsul d'Asie. « Si quelqu'un accuse les chrétiens, disait-il, et prouve qu'ils font quelque chose contre les lois, jugez-les selon la faute. S'ils sont calomniés, punissez le calomniateur. » Adrien établit des colons à Jérusalem et bâtit parmi ses débris une ville nommée Elea Capitolina. Des Juifs assemblés dans cette cité nouvelle se révoltèrent encore et furent exterminés. La Judée se changea en solitude. On défendit aux Israélites dispersés d'entrer à Jérusalem, ni même de la regarder de loin, tant était insurmontable leur amour pour Sion. Une idole de Jupiter fut placée au Saint-Sépulcre, une Vénus de marbre élevée sur le calvaire, un bois planté à Bethléem. La consécration à Adonis de la crèche où Jésus était né profana ces lieux d'innocence. L'hérésie de Valentin, le martyr de Saint-Symphorose et de ses fils, à Tibur, pour la dédicace des jardins et des palais d'Adrien, terminèrent à l'égard des chrétiens le règne de cet empereur. Antonin fut de tous les empereurs le plus aimé et le plus respecté des peuples voisins de l'Empire. Grand justicier, il eut avec Numa quelques traits de ressemblance. Son caractère de piété le rendit plus propre au gouvernement que ne l'avaient été les Titus et les Trajan. La science des lois est liée à celle de la religion. Sous Antonin, les deux hérésiarques, Marcion et Appel, parurent. Justin, philosophe chrétien, publia sa première apologie, adressée à l'empereur, au Sénat et au peuple romain. Il parla des mystères sans déguisement. Sainte Félicité confessa le Christ avec ses fils. Marc Aurèle aimait la paix par caractère et philosophie, et il eut à soutenir de nombreuses guerres avec les barbares. Les Cades, qui se perdirent dans la Ligue des Francs, menacèrent l'Italie d'une irruption. Les Marcomans, ou plutôt une confédération des peuples germains refoulés par les Goths et d'autres peuples qui pesaient sur eux, cherchèrent des établissements dans l'Empire. Ils avaient profité du moment où les légions romaines étaient occupées à défendre l'Orient contre les Parthes. La grande invasion approchait et le monde commençait à s'agiter. Marc Aurèle, ayant associé à l'Empire son frère adoptif Marcus Verus, repoussa avec lui les agresseurs. Les Marcomans et les Cades furent vaincus. À la suite de ces guerres, 100 000 prisonniers furent rendus aux Romains et des colonies de barbares formées dans la Dacie, la Pannonie, les deux Germanies et jusqu'à Ravenne en Italie. Celles-ci se soulevèrent et apprirent aux Romains ce qu'ils auraient à craindre de pareils laboureurs. 100 000 prisonniers rendus supposent déjà, chez les nations septentrionales, une puissance et une régularité de gouvernement auxquelles on n'a pas fait assez d'attention. Les arts et les lettres brillèrent d'un dernier éclat sous les règnes de Trajan, d'Adrien, d'Antonin et de Marc Aurèle. C'est le second siècle de la littérature latine dans laquelle il faut comprendre ce que fournit le génie expirant de la Grèce soumise aux Romains. Alors parurent Tacite, les deux Pline, Suétone, Florus, Galien, Sextus Empiricus, Plutarque, Ptolémée, Arien, Pausanias, Appien, Marc Aurèle et Épictète, l'un empereur, l'autre esclave, et enfin Lucien, qui se rit des philosophes et des dieux. Marc Aurèle mourut sans avoir pu terminer complètement la guerre des barbares et après avoir été obligé d'étouffer la révolte des colonies militaires. Il laissa l'Empire à Commode, son fils, faute de la nature que la philosophie aurait dû prévenir. Si les Romains furent longtemps redevables du succès de leurs armes à la discipline, à l'organisation des légions, à la supériorité de l'art militaire, ils le durent encore à cette nécessité où se trouvait le légionnaire de combattre dans tous les climats, de se nourrir de tous les aliments, de s'endurcir par de longues et pénibles marches. Les peuples de l'Europe moderne, la nation française exceptée pendant les dernières conquêtes de sa dernière révolution, les peuples de l'Europe moderne, divisés en petits États, ont presque toujours combattu contre leurs voisins, ou sur le sol paternel à peu de distance de leur foyer. Mais l'Empire romain renfermait dans son sein le monde connu. Ses soldats passaient des rivages du Danube et du Rhin à ceux de l'Euphrate et du Nil, des montagnes de la Calédonie, de l'Helvétie et de la Cantabrie à la chaîne du Caucase, du Taurus et de l'Atlas, des mers de la Grèce aux sables de l'Arabie et aux campagnes des Numides. On entreprend aujourd'hui de longs et périlleux voyages dans les pays que les légions parcouraient pour changer de garnison. Ces entreprises d'outre-mer qui rendirent les croisades si célèbres n'étaient pour les Romains que le mouvement d'un corps de troupes qui, parti de la Batavie, allait relever un poste à Jérusalem. Le général qui se transportait sur des terrains si divers, qui, forcé d'employer les ressources du lieu, se servait du chameau et de l'éléphant sous le palmier, du mulet et du cheval sous le chêne, accroissait son expérience et son génie avec le vol de ses aigles. Le monde romain n'offrait point un aspect uniforme. Les peuples subjugués avaient conservé leurs mœurs, leurs coutumes, leurs langues, leurs dieux indigènes, leurs lois locales. Au dehors, on ne s'apercevait de la domination étrangère que par les voies militaires, les camps fortifiés, les aqueducs, les ponts, les amphithéâtres, les arcs de triomphe, les inscriptions latines gravées aux monuments des républiques et des royaumes incorporés à l'Empire. Au-dedans, l'administration civile, fiscale et militaire, les préfets et les proconsuls, les municipalités et les sénats, la loi générale qui dominait les justices particulières, annonçaient un commun maître. Les Romains n'avaient imposé à la terre domptée que leurs armes, leurs codes et leurs jeux. Marc Aurèle, stoïcien, n'aimait pas les disciples de la croix par une sorte de rivalité de secte. « Il faut être toujours prêt à mourir, dit-il, dans une de ses maximes, en vertu d'un jugement qui nous soit propre, non au gré d'une pure obstination comme les chrétiens. » Il y eut plusieurs martyrs sous son règne. Polycarpe, à Smyrne, Justin, à Rome, après avoir publié sa seconde apologie, les confesseurs de Vienne et de Lyon, à la tête desquels brilla Potin, vieillard plus que nonagénaire, remplacé dans la chaire de Lyon par Irénée. À cette époque, les apologistes, tels qu'Athénagore, changèrent de langage et d'accusés devinrent accusateurs. En défendant le culte du vrai Dieu, ils attaquèrent celui des idoles. D'une autre part, les magistrats ne furent pas les seuls promoteurs des persécutions. Les peuples les demandèrent. Le soulèvement des masses, à Vienne, à Lyon, à Autun, multiplia les victimes dans les Gaules, ce qui prouve que les chrétiens n'étaient plus une petite secte bornée à quelques initiés, mais des hommes nombreux qui menaçaient l'ancien ordre social, qui armaient contre eux les vieux intérêts et les antiques préjugés. La légion fulminante était en partie composée de disciples de la nouvelle religion. Elle fut la cause d'une victoire remportée en 174 sur les Sarmates, les Cades et les Marcomans, victoire retracée dans les bas-reliefs de la colonne antonine. Selon Eusèbe, Marc Aurèle reconnut devoir son succès aux prières des soldats du Christ. L'Évangile avait fait de tels progrès que Méliton, évêque de Sardis en Asie, disait à Marc Aurèle dans une requête « On persécute à présent les serviteurs de Dieu. Notre philosophie était répandue auparavant chez les barbares. Vos peuples, sous le règne d'Auguste, en reçurent la lumière et elle porta bonheur à votre empire. » Un roi des Bretons, tributaire des Romains, écrivit l'an 170 au pape Éleuther, successeur de Sauter, pour lui demander des missionnaires. Ceux-ci portèrent la foi aux peuplades britanniques, comme le moine Augustin, envoyé par Grégoire le Grand, prêcha depuis l'évangile aux Saxons, vainqueurs des Bretons. Marc Aurèle avait toutefois trop de modération pour s'abandonner entièrement à l'esprit de haine dont étaient animées les écoles philosophiques. Il écrivit, la 10e année de son règne, à la communauté du peuple de l'Asie mineure, assemblée à Éphèse, une lettre de tolérance. Il alla même plus loin que ses devanciers, car il disait « Si un chrétien est attaqué comme chrétien, que l'accusé soit renvoyé absous, quand même il serait convaincu d'être chrétien, et que l'accusateur soit poursuivi. » Mais il était difficile à lui de lutter contre la superstition et la philosophie, entrer dans une alliance contre nature pour détruire un ennemi commun. Les Marcionites, les Montanistes, les Marcosiens jetèrent une nouvelle confusion dans la foi. Avec Marc Aurèle finit l'ère du bonheur des Romains sous l'autorité impériale et recommence des temps effroyables d'où l'on ne sort plus que par la transformation de la société. Un seul fait de cette histoire la peindra. Commode et ses successeurs jusqu'à Constantin périrent presque tous de morts violentes. Quand Marc Aurèle eut disparu, les Romains se replongèrent d'une telle ardeur dans l'abjection qu'on les eut pris pour des hommes rendus nouvellement à la liberté. Ils n'étaient affranchis que des vertus de leur dernier maître. Deux effets de la puissance absolue sur le cœur humain sont à remarquer. Il ne vint pas même à la pensée des bons princes qui gouvernèrent le monde romain de douter de la légalité de leur pouvoir et de restituer au peuple des droits usurpés sur lui. La même puissance absolue altéra la raison des mauvais princes. Les Néron, les Caligula, les Domitien, les Commodes furent de véritables insensés. Afin de ne pas trop épouvanter la terre, le ciel donna la folie à leurs crimes comme une sorte d'innocence. Commode, rencontrant un homme d'une corpulence extraordinaire, le coupa en deux pour prouver sa force et jouir du plaisir de voir se répandre les entrailles de la victime. Il se disait Hercule. Il voulut que Rome changeât de nom et prit le sien. De honteuses médailles ont perpétué le souvenir de ce caprice. Commode périt par l'indiscrétion d'un enfant, par le poison que lui donna une de ses concubines et par la main d'un athlète qui acheva en l'étranglant ce que le poison avait commencé. Sous le règne de Commode paraît une nouvelle race de destructeurs, les Sarrasins, si funestes à l'Empire d'Orient. Pertinax succède à Commode, il se montra digne du pouvoir. Son ambition était celle qu'inspire la conscience des talents qu'on a et non l'envie des talents qu'on ne peut atteindre. Le nouvel empereur fit redemander à des barbares le tribut qu'on leur accordait, et ils le rendirent. Démarche vigoureuse. Mais les devanciers de Pertinax, en immolant à leur faiblesse ou à leur vice la dignité et l'indépendance romaine, avaient fait un mal irréparable. Pouvait-on racheter l'honneur d'un État qui allait être vendu à la criée ? Pertinax était un soldat rigide. Les prétoriens le massacrèrent. L'empire est proposé aux plus offrants. Il se trouva deux fripiers de tyrannie pour se disputer les haillons de Tibère. Didius Julianus l'emporte sur son compétiteur par une surenchère de 1200 drachmes. Les prétoriens livrent la marchandise de 120 millions d'hommes à Didius. Celui-ci ne put fournir le prix de l'adjudication. Il fut menacé d'être exécuté pour dette. Jadis, le Sénat avait proclamé la vente d'un morceau de territoire de la République. C'était celle du champ où campait Hannibal. Le Sénat de Didius fut pourtant honteux. Il eut peur surtout quand il apprit le soulèvement des légions. Elles avaient élu 3 empereurs. On se hâta de réparer une bassesse par une cruauté. Au bout de 66 jours, Didius, déposé, fut condamné à mort. « Quel crime ai-je commis ? » disait-il en pleurant. Le malheureux n'avait pas eu le temps d'apprendre la tyrannie. Il ignorait qu'avoir acheté l'Empire et n'avoir ôté la vie à personne était une contradiction qui rendait son règne impossible. Homme commun, il était au-dessous de son crime. On ne sait pourquoi Rome rougit de l'élévation de Didius Julianus, si ce n'est par un de ces mouvements de dignité naturelle qui reviennent quelquefois au milieu de l'abjection. Denis, à Corinthe, disait à ceux qui l'insultaient « J'ai pourtant été roi ». Un peuple dégénéré qui ne songeait jamais à se passer de maître quand il avait le pouvoir de s'en donner un, appela à l'Empire Pescennius Niger, commandant en Orient. Mais Septime Sévère avait été choisi par les légions d'Illyrie et Claudius Albinus par les légions britanniques. Alors recommencèrent les guerres civiles. Sévère, demeuré vainqueur de Niger en 3 combats en Asie, fut également heureux contre Albinus à la bataille de Lyon. Sous prétexte de punir les partisans de ce dernier, il fit mourir un grand nombre de sénateurs. Les fortunes des familles sénatoriales étaient énormes, on ne les pouvait atteindre avec l'impôt, mal entendu. Le crime de lèse-majesté fut inventé comme une loi de finances. Il entraînait la confiscation des biens. On voit des princes, en parvenant à l'Empire, annoncer qu'ils ne feront mourir aucun sénateur. C'était déclaré qu'ils ne lèveraient aucune nouvelle taxe. Sévère était né à Leptis, sur la côte d'Afrique. Il se trouva que le chef des Romains parlait la langue d'Hannibal. Il avait la cruauté et la foi punique et ne manquait pas toutefois d'une certaine grandeur. À l'imitation de Vitellius, il cassa d'abord les gardes prétoriennes, ensuite il les rétablit et les augmenta en les composant des plus braves soldats des légions d'Illyrie. Jusqu'alors, on n'avait admis dans ce corps que des hommes tirés de l'Italie, de l'Espagne et de la Norique, provinces depuis longtemps réunies à l'Empire. Les barbares approchaient de plus en plus du trône, nous les verrons s'élever au rang des favoris et des ministres pour devenir empereurs. Sévère força les sénateurs à mettre Commode au rang des dieux. « Il leur convient bien, disait-il, d'être difficiles. Valent-ils mieux que ce tyran ?» Il importait à Sévère de ne pas laisser dégrader Commode, puisqu'il voulait livrer le monde à Caracalla. Les empereurs cherchaient par le biais de l'association et par les titres d'Auguste et de César à rendre la pourpre héréditaire. Mais deux corps, l'armée et le Sénat, leur opposaient des obstacles. Dans l'un de ces corps était le fait, dans l'autre le droit. Et le fait et le droit, qui souvent se combattent, s'entendaient pour jouir de ce qu'ils s'étaient appropriés en dépouillant le peuple romain. Après avoir triomphé des Parthes, Sévère, sur la fin de sa vie, passa dans la Grande-Bretagne, bâtit les Calédoniens et éleva pour les contenir la muraille qui porte son nom. C'est l'époque de la fiction de Fingal. L'empereur avait épousé Julie Domna, née à Émèse, en Syrie. Femme de beauté, de grâce, d'instruction et de courage, il en eut 2 fils, Caracalla et Geta, qui furent ennemis dès l'enfance. Caracalla, pressé de régner, voulut se débarrasser de son père lorsque celui-ci était engagé dans la guerre de la Calédonie. Sévère, rentré dans sa tente, se couche, met une épée à côté de lui et fait appeler son fils. « Si tu veux me tuer, lui dit-il, prends cette épée, ou ordonne à Papinien, ici présent, de m'égorger. Il t'obéira, car je te fais empereur. » Peu de temps après, Sévère, malade à York, et sentant sa fin venir, dit « J'ai été tout, et rien ne vaut. » L'officier de garde s'étant approché de sa couche, il lui donna pour mot d'ordre « Travaillons », et il tomba dans le repos éternel. Les règnes de Commode, de Pertinax, de Julianus et de Sévère virent éclater l'éloquence des premiers pères de l'Église. Parmi les pères grecs, on trouve saint Clément d'Alexandrie. Le Maître et les Stromates sont des ouvrages remplis de faits curieux. Parmi les pères latins, Tertullien et le Bossuet africain, saint Irénée, bien qu'il écrivit en grec, déclare dans son traité contre les hérésies qu'habitant parmi les Celtes, obligé de parler et d'entendre une langue barbare, on ne doit point lui demander l'agrément et l'artifice du style. Il nous apprend que l'Évangile était déjà répandu par tout le monde. Il cite les églises de Germanie, de Gaule, d'Espagne, d'Orient, d'Égypte, de Libye, éclairées, dit-il, de la même foi comme du même soleil. Il nomme les 12 évêques qui succédèrent à Rome depuis Pierre jusqu'à Éleuther. Il affirme qu'il avait connu lui-même Polycarpe, établi évêque de Smyrne par les apôtres, lequel Polycarpe avait conversé avec plusieurs disciples qui avaient vu Jésus-Christ. C'est un des témoignages les plus formels de la tradition. En ce temps-là, Panthénous, chef de l'école chrétienne d'Alexandrie, prêcha la foi aux nations orientales. Il pénétra dans les Indes, il y trouva des chrétiens en possession de l'évangile de saint Matthieu, écrit en langue hébraïque, et que cette église tenait de l'apôtre Barthélemy. On voit par les 2 livres de Terlurien à sa femme que les alliances entre les chrétiens et les païens commençaient à devenir fréquentes. Mais selon l'orateur, c'étaient les plus méchants des païens qui épousaient des chrétiennes et les plus faibles des chrétiennes qui se mariaient à des païens. Ce traité répand de grandes lumières sur la vie domestique des familles des deux religions. Le nombre des disciples de l'Évangile s'augmenta beaucoup à Rome sous le règne de Commode, surtout parmi les familles nobles et riches. Apollonius, sénateur instruit dans les lettres et dans la philosophie, avait embrassé le culte nouveau. Dénoncé par un de ses esclaves, l'esclave subit le supplice de la croix, d'après l'édit de Marc Aurèle, qui défendait d'accuser les chrétiens comme chrétiens. Mais Apollonius fut condamné à son tour à perdre la tête, parce que tout chrétien qui avait comparu devant les tribunaux et qui ne rétractait pas sa croyance était puni de mort. Apollonius prononça en plein Sénat une apologie complète de la religion. Le pape Éleuther mourut et eut pour successeur Victor, qui gouverna l'église de Rome pendant 12 ans. L'empereur Sévère aima d'abord les chrétiens et confia l'éducation de son fils aîné à l'un d'eux, nommé Proculus. Il protégea les membres du Sénat convertis à la foi, mais il changea de conseil dans la suite et provoqua une persécution générale. Elle emporta Perpétue, Félicité et saint Irénée avec une multitude de son peuple. Tertullien écrivit l'éloquente et célèbre apologie où il disait « Nous ne sommes que d'hier et nous remplissons vos cités, vos colonies, l'armée, le palais, le Sénat, le forum, nous ne vous laissons que vos temples. » Il publia son exhortation aux martyrs, ses traités des spectacles, de l'idolâtrie, des ornements des femmes et son livre des prescriptions, admirable ouvrage qui servit de modèle à Bossuet pour son chef-d'œuvre des variations. Tertullien tomba dans l'hérésie des montanistes qui convenait à la sévérité de son génie. Origène commençait à paraître. Sous la persécution de Sévère, les chrétiens cherchèrent à se mettre à l'abri à prix d'argent. Cet usage fut continué. Sévère mort, Caracalla régna avec son frère Geta. Bientôt, il le fit massacrer dans les bras de sa mère. Un mot de Papinien est resté, invité par l'empereur à faire l'apologie du meurtre de Geta. Le jurisconsulte, moins complaisant que le philosophe Sénèque, répondit « Il est plus facile de commettre un parricide que de le justifier. » Avec Caracalla reparurent sur le trône la dépravation et la cruauté. Des massacres eurent lieu à Rome, dans les Gaules, à Alexandrie. Cet empereur s'appela d'abord Bassanius, du nom de son aïeul, prêtre du soleil en Phénicie. Il quitta ce nom par ordre de Sévère pour celui de Marc Aurèle Antonin. Les vices de Caracalla, en contraste avec les vertus sous le patronage desquelles on le voulait mettre, ne servirent qu'à le rendre plus odieux. Le mépris du peuple fit évanouir des surnoms glorieux dans ce nom de Caracalla, emprunté d'un vêtement gaulois que le fils de Sévère affectait. Sévère avait ébranlé l'État par l'introduction des barbares dans les gardes prétoriennes. Caracalla acheva le mal en étendant le droit du citoyen à tous ses sujets. Le sang romain fut dégradé de noblesse et par une sorte d'égalité démocratique, tout sujet, barbare ou romain, fut admis à concourir à la tyrannie. Peu à peu, les distinctions de villes libres, de colonies, de droit latin ou droit italique s'effacèrent. En théorie, c'était un bien. En pratique, un mal. Il n'était pas question de liberté, mais d'argent. Il s'agissait non d'affranchir les masses, mais de faire payer aux individus comme citoyens le 20e sur les legs et héritages dont ils étaient exempts comme sujets. Les vieilles habitudes et l'homogénéité de la race se perdirent. On troqua la force des mœurs contre l'uniformité de l'administration. Caracalla eut, comme tant d'autres, la passion d'imiter Alexandre. Ces copistes d'un héros oubliaient que la pique du Macédonien fit éclore plus de cités qu'elle n'en renversa. Sur les bords du Rhin et du Danube, Caracalla rencontra par hasard deux peuples nouveaux, les Goths et les Alamans. Il aimait les barbares. On prétend même que dans des conférences particulières, il leur dévoilait le secret de la faiblesse de l'Empire, secret que leur épée leur avait déjà révélé. Passé en Asie, Caracalla visita les ruines de Troie. Pour honorer et rappeler la mémoire d'Achille, dont il se prétendait la vraie ressemblance, il voulut pleurer la mort d'un ami. En conséquence, un poison fut donné à Festus, affranchi qu'il aimait tendrement. Après quoi, il lui éleva un bûcher funèbre. Et comme Achille, le plus beau des Grecs, coupa sa chevelure blonde sur le bûcher de Patrocle, Caracalla, laid, petit et difforme, arracha deux ou trois cheveux que la débauche lui avait laissés, excitant la risée des soldats qui le voyaient chercher et trouver à peine sur son front la matière du sacrifice à l'ami qui l'avait fait empoisonner. Caracalla était malade de ses excès. Son âme souffrait autant que son corps. Ses crimes lui apparaissaient. Il se croyait poursuivi par les ombres de son père et de son frère. Il consulta Esculape, Apollon, Sérapis, Jupiter olympien. Il ne fut point soulagé. On ne guérit point des remords. Macrin, préfet du prétoire, menacé par Caracalla, le fit assassiner. On croit que l'impératrice, accusée d'inceste avec Caracalla, son fils, mourut d'une mort douloureuse, volontaire ou involontaire. Il ne resta rien de la famille de Sévère, dont les malheurs, malgré le dire des historiens, frappèrent peu les hommes. Dans les vieilles races, c'est la chute qui étonne. Dans les races nouvelles, c'est l'élévation. Les premières, en tombant, sortent de leur position naturelle, les secondes y rentrent. Caracalla eut des temples et des prêtres. Macrin demanda des autels pour son assassiné. Les Romains, débarrassés de leurs tyrans, ils en faisaient des dieux. Ces tyrans jouissaient ainsi de deux immortalités, celle de la haine publique et celle de la loi religieuse qui consacrait cette haine. Macrin revêtait d'un extérieur grave et d'une apparence de courage un caractère frivole et timide. Il désira l'empire, l'obtint et s'en trouva embarrassé. Il avait l'instinct du mal, il n'en avait pas le génie. Impuissant à féconder ce mal quand il avait commis un crime, il ne savait plus qu'en faire. C'est ce qui arrive lorsque l'ambition dépasse la capacité, qu'une haute fortune se trouve resserrée dans un esprit étroit et dans une âme petite, au lieu de s'étendre à l'aise dans une large tête et dans un grand cœur. Après 14 mois de règne, l'armée ôta l'empire à Macrin aussi facilement qu'elle le lui avait prêté. Julie, femme de Septime Sévère et fille de Basianus, avait une sœur, Julia Marissa. Celle-ci, mariée à Julius Avitus, en eut deux filles, Soémis et la célèbre Mamée. Mamée mit au jour Alexandre Sévère et Soémis fut mère d'Ella Gabale, plus connue sous le nom altéré d'Elio Gabale. Soémis avait épousé Varius Marcellus, mais on ne sait si elle n'eut point un commerce secret avec Caracalla et si Ella Gabale ne fut point le fruit de ce commerce. Après la mort de Caracalla, Maïssa, sœur de l'impératrice Julie, se retira à Émèse avec ses deux filles, Soémis et Mamée, toutes deux veuves, et chacune ayant un fils. Ella Gabale avait 13 ans, Alexandre 9. Maïssa fit donner à Ella Gabale la charge de grand prêtre du soleil. Dans ses habits sacerdotaux, il était d'une rare beauté. On le comparait aux plus parfaites statues de Bacchus. Une légion le vit, en fut charmé, et par les intrigues de Maïssa, le proclama empereur. Qu'on juge du caractère de l'armée, elle choisit Ella Gabale parce qu'il était beau, parce qu'elle le crut fils de Caracalla et de Soémis, c'est-à-dire bâtard d'un monstre et d'une femme adultère. Macrin dépêcha contre la légion un corps de troupes que commandait Ulpius Julianus. Celui-ci, abandonné de ses troupes, périt par un assassinat. Un soldat lui coupa la tête, l'enveloppa, en fit un paquet qu'il cacheta avec le sceau de Julianus et la présenta à Macrin comme la tête d'Ella Gabale. Macrin déroula le paquet sanglant et reconnut que cette tête demandait la sienne. Après avoir perdu une bataille contre son rival, qui déploya de la valeur, il s'enfuit, fut arrêté et massacré. Son fils, qui l'envoyait au roi des Parthes, éprouva le même sort. Ella Gabale régna donc. Il fallait que toutes les passions et tous les vices passassent sur le trône afin que les hommes consentissent à y placer la religion qui condamnait tous les vices et toutes les passions. Rome vit arriver un jeune Syrien, prêtre du soleil, le tour des yeux peints, les joues colorées de vermillon, portant une tiare, un collier, des bracelets, une tunique d'étoffe d'or, une robe de soie à la phénicienne, des sandales ornées de pierres gravées. Ce jeune Syrien, entouré d'eunuques, de courtisanes, de bouffons, de chanteurs, de nains et de naines, dansant et marchant à reculons devant une pierre triangulaire. Et la Gabale vint régner au foyer du vieil Horace, rallumer le feu chaste de Vesta, prendre le bouclier sacré de Numa et toucher les vénérables emblèmes de la sainteté romaine. Au milieu de tant de règnes exécrables, celui d'Ella Gabale se distingue par quelque chose de particulier. ce que l'imagination des Arabes a produit de plus merveilleux en fêtes, en pompe, en richesse, ne semble qu'une tradition confuse du règne du prêtre du soleil. Vous verrez ces détails à l'article des mœurs des Romains. Le vice qui gouverna plus particulièrement le monde sous Elagabal fut l'impudicité. Ce prince choisissait les agents du pouvoir d'après les qualités qui les rendaient propres à la débauche. Dédaignant les distinctions sociales ou les avantages du génie, il plaçait la souveraineté politique dans la puissance qui tient le plus de l'instinct et de la brute. Il arriva qu'ayant pris plusieurs maris, il se donna pour maître tantôt un cocher du cirque, tantôt le fils d'un cuisinier. Il se faisait saluer du titre de domina et d'impératrice. Il s'habillait en femme, travaillait à des ouvrages en laine. Hommes et femmes, prostituées et prostituées, il n'aurait pas été plus pur quand il se fut consacré au culte de Cybèle comme il en eut la pensée. Il donna un siège à sa mère dans le Sénat auprès des consuls et créa un Sénat de femmes qui délibérait sur la présence, les honneurs de cour et la forme des vêtements. Fin de la section 26.